Thank. Merci Martin. Yo yo, sorry. We'll be right back. Once I'm over my dirty deed, do you think it's better, dirty deed? Do you think my guitar is tuned? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, nothing to say. I come home in the morning, go to bed feeling the same way, and nothing but time. Just get in the end. Sa couille de partout, y'a des zizi partout. Get up in the area. Oh, oh, merci Martin. Martin, il est parti maintenant. Thank you. petit chemin, c'est plein de cailloux. J'y vais quand j'en ai besoin, au fond de ce chemin, plein de cailloux. Bon, moi je vous ai mis la balade. Coup de cymbale. Un truc. We'll be right back. fois, j'essaye des trucs. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. La basse, je cherche la basse. We'll be right back.

Ciao.